Le portrait mis en vente par Pierre Baldagne. Madeleine de Chanac, qui était en train de causer nonchalamment avec son amie Madame Blémard de son prochain départ pour le Périgord, s'interrompit et sonna un domestique. « Monsieur est sorti. Monsieur le comte vient de sortir, Madame la comtesse. » Aussitôt, la physionomie de Madeleine se transforma. Le masque d'indifférence qui recouvrait ses traits fins et délicats de blonde tomba pour faire place à une expression de résolution subite qui mit une lumière dans ses grands yeux. Elle prit Madame Blémard par la main et l'amena devant un petit bureau. « Ma chère Jeannine, viens ici et écris ce que je vais te dicter. » Un peu surprise mais amusée, Madame Blémard obéit et Madeleine commença. « L'adresse d'abord. Monsieur Paul Sambuc. Passage Stanislas, Paris. Et maintenant, quelques mots. Monsieur, une amie de la comtesse de Chanac vous prévient en toute hâte que ces jours-ci sera vendu à l'hôtel des ventes un portrait d'elle que vous avez fait il y a 3 ans alors qu'elle était encore Mademoiselle Huchelin. La comtesse de Chanac a des raisons particulières pour désirer que ce portrait ne tombe pas entre des mains indifférentes. Je vous prie donc de surveiller cette vente et de vous rendre acquéreur du portrait que je vous redemanderai dès que les circonstances me le permettront. Voudrez-vous aussi me dire si vous avez réussi, par un simple mot, poste restante, aux initiales J.B. ? Jeannine Blémard leva sur son amie des yeux pleins de questions. Madeleine lui sembla extrêmement émue. « Veux-tu envoyer cette lettre, Jeannine ? As-tu peur qu'elle ne te compromette ? Non, ma chérie, je n'ai pas peur de me compromettre, mais... » « Oui, tu voudrais une explication. Eh bien, je vais te la donner, et tu verras pourquoi je me décide à cette démarche. Écoute. Il y a 3 ans, je n'étais pas marié. J'avais 19 ans et j'étais heureuse. Tu connais mon père, tu connais ma mère. Tu sais leur adoration pour moi. Notre petit hôtel de Passy était un coin plein de bonheur et de gaieté. J'y recevais à mon gré des jeunes filles, des jeunes gens, les frères, les amis de mes amis. Nous faisions de grandes parties de tennis, des goûters fins, on improvisait des charades, c'était charmant. Un jour, une amie m'amena un jeune peintre, Paul Sambuc, qui devint assez vite un familier de la maison. Assez vite également, sa personnalité se détacha pour moi sur la grisaille, sympathique mais banale, des autres. Paul Sambuc m'intéressa. Je lui trouvai un tour d'esprit original. Il avait une nature fine, un peu timide, sauf lorsqu'il parlait de son art où il se montrait d'une ardeur extraordinaire. Je lui trouvais, moi, beaucoup de talent. Il demanda à mes parents l'autorisation de faire mon portrait. Il l'obtint sans difficulté, à ma grande joie, et les séances commencèrent. Elles avaient lieu dans notre petit jardin d'hiver. J'en sortais ravi, sans me rendre compte exactement des causes de ce ravissement. Nous causions librement de tout ce dont peuvent causer deux jeunes gens qui aiment à se trouver ensemble. Mais sous les paroles, une étrange émotion nous envahissait, et nos longs silences n'étaient pas moins pathétiques. Je me doutais bien que Paul Sambuc allait m'aimer, seulement, n'est-ce pas, je n'avais que 19 ans. Lui-même était très jeune, pas encore connu, et puis surtout, je m'en rends compte maintenant, nous obéissions à cette loi mystérieuse qui pousse les êtres à prolonger le plus possible le trouble indéfinissable des sentiments encore imprécis, inexprimés, et qui craignent la lumière crue d'un aveu. Quant au portrait, ma chère Jeannine, tu l'as vu. Toute mon âme, devinée par Sambuc, y transparaissait. Il l'avait peint avec une extrême ferveur, et j'entendis quelques paroles prononcées autour de moi par d'autres peintres qui vantaient l'expression profonde du morceau, le sentiment qui en rayonnait. Seulement, comme Sambuc était de la toute nouvelle école, et que sa technique était des plus audacieuses, la toile surprenait, au premier coup d'œil, le milieu bourgeois où je vivais. C'est alors que, comme un coup de tonnerre éclata dans ma vie, la recherche de ma main par le comte de Chanac. Je vais aller vite, ma bonne Jeannine. L'union enthousiasma mes parents. Leur fille, comtesse, pense donc, quant à moi, un désarroi complet. Dès les premiers bruits, Paul Sambuc avait disparu. Il ne voulait pas se mettre en travers d'un mariage aussi brillant. Et puis aucun de nous deux n'avait prononcé une parole décisive. Je fus enveloppé, suggéré. Je ne voyais plus Sambuc. je finis par ne plus bien savoir ce qui se passait en moi-même. Je devins la comtesse de Chanac. Mon mari, tu le connais. C'est un être dur, borné, tout pétri de vanité et d'orgueil. Entre nous deux, aucun sentiment commun possible. Je le savais 3 mois après mon mariage. Je m'étais trompé. Il est trop tard. Je me résigne. Je resterai une honnête femme et je tâcherai de vivre ma vie comme je pourrai. Seulement, il y a des choses qui demeurent en moi infiniment sensibles. Tu vas comprendre. Tu dois bien penser que mon mari ne pouvait guère aimer le portrait de Sambuc. Il s'en moquait ouvertement. Il érigeait contre l'œuvre et l'artiste les plaisanteries les plus lourdes. Ce n'était pas dessiné, c'était pas avec une truelle. Quant à la couleur, ça hurlait. Enfin, ce n'était pas signé. La comtesse de Chanac aura son portrait. Je le demanderai à Barabel. Barabel, la bête noire de Sambuc. Barabel, le chef des pompiers. Le peintre attitré des poupées mondaines. J'eus mon portrait par Barabel. Tu le connais. Tu connais ce mannequin billet qui, prétend mon mari, me représente. Le satin de la robe, il semble qu'on va le toucher. On compterait les points de la dentelle. Bien sûr. Enfin, cette fois, c'est signé. La vanité du comte de Chanac est satisfaite. Tu devines la suite, ma chérie. Le portrait de Sambuc, qui déjà ne plaisait guère, devint méprisable. Mon mari prit une résolution. Nous allons partir pour le Périgord, où nous resterons jusqu'en décembre. Mais avant le départ, mon mari se débarrasse d'un lot de vieux meubles qui l'encombrent. Il envoie le tout à l'hôtel des ventes et il y joint mon portrait. Oh, fit Jeannine, ça te fait sauter, hein? C'est ainsi. Maintenant, tu sais tout. Ce portrait, c'est pour moi une page exquise de ma jeunesse. C'est le souvenir de moments que, je le sais bien, je ne retrouverai plus. Je ne commets aucune faute en m'en souvenant. Rien n'est plus pur que les sentiments qui nous ont effleurés, Paul Sambuc et moi, au moment où il peignait cette toile. Si mon mari avait été tendre, s'il avait essayé de me comprendre, ah, combien vite j'aurais oublié ce portrait, et le reste. Mais il ne m'a jamais traité que comme une créature sans importance, et je me suis aperçu de mon côté qu'il faisait figure de sot. Aujourd'hui, mon portrait que j'aime, mon portrait tout chargé de mon émotion de jadis, il le profane. Eh bien, je ne veux pas, je l'empêcherai. Il y eut entre les deux jeunes femmes un long silence. Enfin, la voix un peu hésitante, Jeannine Blémard prononça. Soit, j'enverrai la lettre. Mais que dira Sambuc? Ton geste est une sorte de confidence, s'il t'a aimé comme tu le crois. S'il m'a aimé, et si mon geste peut lui donner un peu de joie, tant mieux. Je ne cours aucun risque, puisque je ne le reverrai jamais. Madeleine devait revoir Paul Sambuc. Elle devait si bien le revoir que l'année suivante, elle divorçait et épousait le jeune peintre. À quelles extraordinaires manœuvres d'amoureux s'était-il livré pour obtenir ce résultat? Je ne saurais le dire, mais il me semble que le dénouement ne vous surprendra pas plus qu'il ne me surprend moi-même. C'était le portrait mis en vente par Pierre Baldagne.